J'ai beau te dire que je me retire, tu ne fais que rester, où puis-je m'en aller? J'ai beau te dire que je me retire, tu ne fais que rester, où puis-je m'en aller? Narayan, Narayan, très cher Narayan. Libère-moi sans effort. Vas-y, ouvre-moi tes portes. Libère-moi sans effort. Vas-y, ouvre-moi tes portes. Narayan.